إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار وبعد. Bienvenue à ce cours qui se déroulera inshallah tous les soirs de 21h à 22h. Donc comme c'est marqué en haut dans les dans la bannière, c'est on va étudier inshallah une petite risala, un petit livre du cheikh Al-Uthaymin rahimahullah qui s'intitule Kitab Hukm Tarik As-Salah, le livre de du jugement de celui qui a abandonné la prière. J'ai donné le lien en arabe, c'est marqué dans la bannière, marqué le texte en arabe, deux points, et en dessous, il faut aller en dessous, vous avez le lien pour aller sur le site afin de l'avoir en arabe. Pour ceux qui veulent l'avoir, le texte de base en arabe. Comme je l'ai dit, tant que je parlerai dans le cours, donc l'écriture et le fait de parler donc au micro sera interdit comme dans n'importe quel cours, d'accord. Et puis aussi pour éviter pour que des relations entre sexes opposés se fassent. Mais même ça se fait pas quand il y a un cours que les personnes parlent comme ça durant le cours. Par contre, à la fin, quand je finirai le cours et quand il y aura des questions posées, là, j'ouvrirai le micro et l'écriture, inshallah, voire même pendant le cours, quand j'aurai, ça peut que j'ai des questions à vous poser pour savoir si vous suivez bien, par exemple. Alors, il y a un frère qui me demande de reposter le texte en arabe parce qu'il a du mal à l'avoir. Donc là, je vais le rechercher, inshallah. C'est simple, vous tapez sur le ça va prendre un petit peu de temps. Alors, vous allez, là, il y a marqué le texte en arabe, vous allez en bas et vous avez un lien. Il faut laisser ce lien. Vous cliquez sur ce lien. Quand ce lien est cliqué, vous allez tomber sur la page de Paltok. Regardez bien, vous effacez à partir de client jusqu'à le URL avec l'égal. Vous effacez ça, il va vous rester la page là où il y a le livre. Je vais vous donner inshallah de toute façon. Maintenant, sur comme ça, pour ceux qui le veulent, ça sera plus simple. Alors, copier. Voilà, ceux qui veulent le texte en arabe, vous l'avez ici. Inch'Allah. Je vais le marquer ici. Texte en arabe. Voilà. Donc je vais commencer le cours Inch'Allah maintenant. Alors donc ce livre, c'est exactement comme vous verrez si vous ouvrez la page web du site du Cheikh Al Utheimin, vous verrez que c'est seulement, enfin moi j'ai sorti en imprimé, ça fait juste une feuille. Donc c'est deux pages, une feuille recto verso. Donc Inch'Allah, on va prendre, ça va pas prendre beaucoup de cours et on va Inch'Allah, d'accord. Et si nos cours si cette room sous le nom de Institut Islamique marche bien, au début je vais faire des petits livres, si ça marche bien, après j'ouvrirai peut-être des plus grands livres dans le fiqh ou dans le sous le fiqh ou dans autre chose encore. Avant de rentrer dans ce qu'a dit le Cheikh Al-Othaymine, je vais faire une petite introduction sur le jugement de celui qui abandonne la prière par rapport aux quatre écoles. Parce que lui, alors, le Cheikh Al-Othaymine, il va donner l'avis, un avis, d'accord. Et avant toute chose, je vais quand même donner les autres avis, pas en détail parce que ça prendra beaucoup de temps, mais d'une manière générale, à savoir ce que disent les autres savants. Ce qui est très intéressant donc, par rapport, vous allez voir au sujet, mais aussi quand on étudie de cette manière-là, ça permet que quand on est en face d'une personne qui n'a pas le même avis, on sait déjà pourquoi, donc on ne va pas soit se mettre en colère en disant à l'autre, tu ne connais pas l'islam, et ceci et cela, en fin de compte, non, l'autre, même si son avis est plus faible, en fin de compte, il se base sur des paroles de savants, donc il n'y a pas à avoir d'animosité dans ce genre de choses, d'accord. Donc je vais commencer par le premier madhhab, qui est le madhhab al-Hanafi, parce que au point de vue de Tariq, de la chronologie, c'est le premier, Abu Hanifa, rahimahullah, il était avant l'imam Malik, après l'imam Malik il y a eu l'imam Shafi'i, après l'imam Shafi'i il y a eu l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Donc dans le madhhab al-Hanafi, celui qui abandonne la prière est toujours musulman. Tant qu'il ne la renie pas, parce que là il y a un ijma, il y a unanimité, donc il n'y a aucune divergence entre savants dans n'importe quel mazhab, de n'importe quelle école. Celui qui renie la prière, c'est un kafir murtad, c'est un mécréant apostat. Et le fait de renier, c'est comme on dit en langue arabe, man jahada ma huwa ma'lum min ad-din bid-darra faqad kafar. Celui qui a renié une chose qui est connue par la nécessité de la religion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas échapper à le fait de connaître cette chose-là, donc celui qui renie une chose qui est connue de la religion par nécessité, alors il est devenu mécréant. Et il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, sauf dans deux cas, comme d'ailleurs on fera des cours dans le Tawhid et aussi sur le Takfir, dans les interdictions et les conditions de Takfir, sauf dans deux cas, comme Al-Nawawi, Rahmahou, Ibn Taymiyyah a cité, c'est la personne qui vient juste de rentrer dans l'islam. Je dis bien qu'il vient juste de rentrer dans l'islam, donc il n'est pas encore appris. Par exemple, un exemple tout simple, une personne, un kafir, un mécréant, rentre dans une mosquée, il veut se convertir. Donc, la personne dans une mosquée ou ailleurs. C'est juste un exemple, c'est pas du tout obligatoire pour devenir musulman de rentrer dans une mosquée. C'est un exemple. Il va, donc les gens vont lui expliquer le La ilaha illallah et le Muhammad Rasulullah, ce que ça implique. Donc, la personne va accepter, il dit voilà, donc il va attester. Et les gens qui lui ont appris comment devenir musulman auront malheureusement oublié de lui dire, de lui informer qu'il faut que ça qu'il fasse sa prière maintenant. Donc la personne sort, il est musulman, mais on ne lui a pas dit qu'il a une lutte obligatoire à faire. Donc il sort de la mosquée, il rencontre d'autres musulmans, et c'est des autres musulmans, on lui dit « Tu es musulman, toi ?» Il dit « Oui, je suis musulman. »« Attends, c'est bien toi de faire prière, il faut la faire obligatoirement. » Et l'autre, qui vient juste de se convertir, dit « Non, il n'y a pas de prière obligatoire dans l'islam. » Alors, à partir de ce moment-là, cette personne, son nouveau converti, qui est un musulman, a dit, écoutez bien, a dit une parole de kufr. Sa parole, c'est du kufr. Le fait de dire que dans l'islam, il n'y a pas de prière obligatoire, c'est une parole de kufr. Mais cette personne-là n'est pas kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la connaissance. À ce moment-là, les gens lui disent, si, attention à ce que tu dis, la prière obligatoire, viens, il faut quand même que tu apprennes certaines choses. Si cette personne-là, en fin de compte, voit un petit peu après une discussion qu'en fin de compte, oui, il y a la prière obligatoire, donc il est toujours musulman, il n'y a pas de problème. Il a été et il est toujours musulman. Si il insiste dans le fait de renier, après la connaissance, de renier que la prière obligatoire, donc là, par contre, il devient mécréant. Deuxième cas, c'est une personne qui est musulman de père de génération en génération, mais qui habite dans un lieu très éloigné où la science n'est pas arrivée. Dans une montagne, c'est très rare à notre époque comme de trouver ça, mais on peut encore trouver dans une montagne où il n'y a pas d'électricité ni rien. Et donc là, c'est la personne qui ne connaît pas ce genre de choses, il est excusé par l'ignorance. D'accord ? Mais une personne qui vit, comme par exemple en France, et puis qui a accès sur Internet ou autre, et lui, il n'a pas l'excuse de l'ignorance pour ça. Donc, il y a unanimité pour celui qui renie l'obligation à prière, c'est un kafir murtad. Par contre, il y a une divergence, comme je viens de le citer, pour celui qui ne la fait pas. C'est-à-dire qu'il dit oui, la prière est obligatoire, les cinq prières sont obligatoires, elles sont obligatoires sur moi, mais moi je ne les fais pas. Il y a divergence sur lui, comme on va voir. Dans le mazhab al-Hanafi, ainsi que le mazhab al-Maliki et Shafiri, cette personne-là est toujours musulmane. Et dans le mazhab al-Hanbali, cette personne-là est mécréante, celui qui abandonne. Là, on ne parle plus de celui-là qui a renié. On a étudié le cas de celui qui a renié, c'est fini. Maintenant, on part de celui qui abandonne, c'est-à-dire qui ne renie pas la prière. Il atteste, d'accord, que la prière est obligatoire, mais il ne la fait pas. Il ne la fait plus. Hein. Cette personne-là, dans la majorité des quatre écoles, il est toujours musulman, mais c'est ce qu'on appelle un fasirqa. Alors, le mot fasir, généralement, malheureusement, dans la traduction, on traduit par le mot pervers, mais c'est pas ça, parce que en français, le mot pervers, c'est assez spécifique. Et un fasirq, dans le terme technique du fiqh, un fasirq, c'est quelqu'un qui a fait un grand péché, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, et qui ne s'est pas repenti, parce qu'il s'est repenti, il n'est plus fasirq, d'accord ? D'une part, certains savants, notamment comme Abbas, disent celui qui fait un petit péché, mais en continu, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais, on va aussi dire que c'est un fasirq. Mais sur lequel on peut dire, les savants sont d'accord, c'est celui qui fait un grand péché et qui ne s'est pas repenti de ce grand péché, c'est un fasirq. Alors, est-ce qu'un voleur, on va dire que c'est un pervers en français ? Non. Est-ce que quelqu'un qui ment, on va dire que c'est un pervers ? Non. Etc. Donc, le mot fasirq vient du mot arabe fasirqa, qui veut dire kharajaran al-had, qui veut dire sortir de la limite. Et donc personnellement, je préfère traduire par transgresseur, parce qu'il a transgressé. Il a transgressé quoi? Justement, un interdit qui l'amène à un grand péché. Donc cette personne, c'est un fasir, comme celui qui fait zina, comme celui qui vole, comme celui qui tue sans droit, celui qui déteste la prière, c'est un fasir, dans la majorité des écoles. Dans le mazhab al-Hanbali, dans la majorité des savants de mazhab al-Hanbali, ils disent que c'est un kafir murtad, c'est un apostat, donc c'est un mécréant, donc il n'est plus musulman. Et comme on va voir, c'est aussi l'avis du cher al-Uthaymin. A savoir que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, lui, son avis à lui est que c'était un kafir. D'accord ? Mais après, les savants de son école qu'il a fait, la majorité de ces savants qui ont suivi son école à lui, ont dit qu'il n'était pas mécréant, mais qu'il était juste, enfin juste, c'est un grand péché, mais qu'il était fasiq. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, nous a rapporté que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait que celui qui délaisse la prière, qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. Certaines personnes, comme on va voir le cheikh al-Uthaymin, ne disent pas le mazhab al-Shafi'i dit, l'imam al-Shafi'i dit que c'est pas un kafir. Il faut bien faire attention. Ce qui nous est rapporté de l'imam al-Shafi'i en tant que tel, en tant qu'individu, c'est que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. D'accord ? Mais après, les savants qui ont suivi son mazhab, son école, la majorité des savants al-Shafi'i, mais il y a dedans. Il y a quand même dedans qui, dans le mazhab Shafi'i, il y a certains savants Shafi'i qui disent toujours que c'est un kafir, mais la majorité de ce mazhab disent que ce n'est pas un kafir. Dans le mazhab Hanbali, l'imam Ahmad rahimahullah dit que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir. Il a une autre parole, il faut le savoir.